ferais une escale pour fermer les gueules. Sur le beat j'étale mes rimes, les lèvres se recollent. Écoute et reste dans ton canapé calé. La peu des feuilles collent sur le beat, j'pars au calot pour mon or pas de calé. J'écris pour pas finir à l'hospice. Ici c'est le stress, manque d'espace et d'espèces de strass. J'rappe pour as, mais ça ouvre quand même les gueules pour parler sur la mienne. Cette hypocrisie m'amène à péter un câble et ça se voit sur ma mine. Tous les jours la même, les baratins s'amènent, les paroles s'entremêlent. J'peux compter que sur ce que j'appelle ma mène. Écorche la feuille avec ma mine, oublie-moi si tu m'aimes pas. J'suis déjà mal dans mes baskets, alors si tu baffes, ça m'aide pas. Ma haine parle, les chaînes cassent, se t'exposent. Referme la gueule des mecs qui dans mon dos la mienne cause. Le temps passe, presse, envie de tracer. Évite les coups de crasse, micro-test, texte plus violent qu'un coup de crosse. Majeur bien tendu, pour les langues bien pendues. Tous les mecs vendus, tous les blabla pondus. Je vise personne, mais je sais qui ils sont. Se précipite vers l'issue, avant la fin du son. C'est une claque pour les zombies, pour qu'ils se sont pris. Je réponds à base de rimes, son poids, chaque action a son prix. Des rimes asphyxies, je lâche des rimes qui fuck ceux qui mentent comme ils respirent, qui m'ont malheureux espère. Je déballe un texte sévère, pour faire taire ses rats. Devant toi ça sourit et ça taillarde derrière. Donc je fais le tri, esquive les hypocrites, tous ces types parle à tort et à vertra. Des vertes et des pas mûres, des vrais ou des bobards. Des compliments ou injures, des mérités ou injustes. Crier comme un feu de Bengale, regard et sourire narquois. C'est marqué sur sa gueule et je sais qu'il parle sur la mienne parce que parler sur les gens, de la jalousie à vendre, de la médisance à brader. Les gens font bavasser, critiquer, rabaisser. L'humain, l'humanité, sentiment d'infériorité dans ce monde. Tout le monde veut la place, tout le monde veut le malheur, tout le monde veut être meilleur que tout le monde veut la vie de tout le monde veut être plus fort que tout le monde veut la peau de tout le monde veut l'argent de tout le monde. De la jalousie entre tout ce monde, et tout le monde parle sur tout le monde, parce que tout le monde veut être mieux que tout le monde. Et que personne veut devenir personne.